Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel, est sur moi, c'est pourquoi l'Éternel m'a oint pour évangéliser aux débonnaires, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier aux captifs la liberté, et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour publier l'an de la bienveillance de l'Éternel, et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil, pour annoncer à ceux de Sion qui mènent deuil, que la magnificence leur sera donnée au lieu de la cendre, l'huile de joie, au lieu du deuil, le manteau de louange, au lieu de l'esprit d'accablement, tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice, et la plante de l'Éternel, pour s'y glorifier. Et ils rebâtiront ce qui aura été dès longtemps désert, ils rétabliront les lieux qui auront été auparavant désolés, et ils renouvelleront les villes désertes, et les choses désolées d'âge en âge. Et les étrangers s'y tiendront, et paîtront vos brebis, et les enfants de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel, et on vous nommera les ministres de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations, et vous vous vanterez de leur gloire. Au lieu de la honte que vous avez eue, les nations en auront le double, et elles crieront tout haut que la confusion est leur portion, c'est pourquoi ils posséderont le double en leur pays, et auront une joie éternelle. Car je suis l'Éternel, qui aime le jugement, et qui est la rapine pour l'Holocauste, j'établirai leur œuvre dans la vérité, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Et leur race sera connue entre les nations, et ceux qui seront sortis d'eux, seront connus parmi les peuples, tous ceux qui les verront, connaîtront qu'ils sont la race que l'Éternel aura bénie. Je me réjouirai extrêmement en l'Éternel, et mon âme s'égayera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, et m'a couvert du manteau de la justice, comme un époux qui se pare de magnificence, et comme une épouse qui s'orne de ses joyaux. Car comme la terre pousse son germe, et comme un jardin fait germer les choses qui y sont semées, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer la justice et la louange, en la présence de toutes les nations.